Je suis déçu, c'est vraiment cette déception. Man, est-ce que tu peux jouer un son tranquille? Je puis chanter dedans. Man, est-ce que tu peux jouer un son tranquille? Ah, je suis déçu. Je suis triste. Là je suis triste. Là je suis triste. Je demande la justice au Créateur. Je demande la justice à Damned. Je vais prier Damned. je n'ai plus rien à faire ici. Non, je n'ai plus rien à faire là. Non, je n'ai plus rien à faire là. Non, je veux partir d'ici. Ma tristesse est si grande que je ne veux plus rester là. Vraiment, je suis déçu. Je suis déçu, j'ai une déception. Ça grésille, mon son grésille, n'est-ce pas? Mon son grésille, n'est-ce pas? Dans la main, nous allons nous marier. Je n'arrête pas d'y penser. Aujourd'hui nous allons nous marier. Je n'arrête pas d'y penser. Ça fait bientôt 10 ans que l'on se connaît. Tu es avec moi et je suis avec toi. Allons nous marier, oh yeah. Je suis avec toi, et je suis avec toi. Hey, dame Ned, je veux me marier avec toi. Hey, dame Ned, je veux me marier avec toi. Aujourd'hui nous allons nous marier. Nous serons liés pour l'éternité, non, l'éternité, non. Mais nous allons marier. Cela fait bientôt 5 ans que l'on se connaît. Nous nous sommes pas lâchés. Nous nous sommes retrouvés. Je vais me marier avec toi. Dame. Marier. Il faut se marier. je vais te mettre la bague au doigt. Je vais te mettre la bague au doigt. Pas le matin. Veux-tu m'épouser? Je vais te donner mon respect. Veux-tu m'épouser? Depuis que je t'ai rencontré, je t'ai trouvé vraiment magnifique. Et puis que je t'ai rencontré hier, c'est ma vie a vraiment changé. Je vais te mettre la bague au doigt. On va se marier. Je vais te mettre la bague au doigt. Allons nous lier. Et puis que je t'ai rencontré hier, je n'étais plus lâché hier. Et puis que je t'ai rencontré hier, je n'étais plus lâché. Je veux me marier. Tu es la femme de ma vie. Je t'ai aimé. Et je t'ai rencontré. On ne peut plus se lâcher. Depuis que je t'ai rencontré. Je ne peux plus te lâcher. Ah, ah, ah, ah. Nous marier. J'ai fait une demande en mariage. Demande un mariage. Demande un mariage. Nous sommes liés, que Ya te la encontré. Ne pouvoir plus se quitter. Acceptes-tu ma demande en mariage? Mais là, je serai déçu. Je vais te mettre la bague au doigt. On va fumer les joints. On va fumer les joints ensemble. Vraiment, vraiment, là, je suis déçu. Déçu. C'est trop long, c'est trop long. Je suis déçu de cette déception. Je vais te marier avec moi, géopervision. Géopervision, je vais te marier avec moi, je vais divorcer avec Damnette. Si je suis déçu, tu sais. J'ai un gros membre. Vraiment, tu vas pas être déçu. Vraiment, c'est dangereux. C'est dangereux. Il faut pas accepter ce mariage. Vraiment, c'est risqué. C'est risqué. Thank you. Thank you. Pipi dans l'eau, ça chauffe l'eau. J'adore ça, j'adore ça. Et je me retrouvais dans l'eau. J'ai vu la tasse à côté d'un enfant. Il venait de faire pipi, mais j'étais déçu. Une déception. Santé. Je savais nager, j'ai tout perdu. Je vais aller sur la plage là où le policier a failli se fait noyer. C'est dangereux là-bas. C'est dangereux là-bas. J'étais sur la plage. Et tout à coup, j'ai vu des jeunes se jeter sur lui. Je ne savais plus quoi faire. Je ne savais plus quoi dire, je ne savais plus quoi passer. Je me suis dit, ces gens-là sont fous. Ils veulent noyer le policier. Je me suis dit, ces gens-là sont fous. Ils veulent noyer le policier. Je suis déçu de cette déception. Je suis déçu, cette déception. Je vais aller dans l'eau. Je vais rester dans l'eau. Je vais aller dans l'eau. Et rester sous l'eau. Percussion. Est-ce que tu joues la percussion un peu sur la plage? Changer les BPI. Changer, c'est le maître des cérémonies. Younger, if I would do without. Se demande pourquoi l'eau c'est 30 degrés. Les gens font beaucoup pipi. Ils boivent beaucoup.